Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des fantômes. De quelle couleur sont les fantômes ? A priori, les fantômes sont tous de blanc vêtus et leur fréquentation est donc idéale pour une nuit blanche. Mieux, leur apparition doit blanchir la nuit qui vient. Alors je parle bien des fantômes traditionnels, des bons vieux fantômes, à la fois terrifiants et un peu passés de mode peut-être, qui traînent leurs chaînes, qui traversent les murs, qui rythment leurs allées et venues de ricanements ou de cris sardoniques. Les fantômes, quoi, les vrais. Alors ils peuvent être, littérairement parlant, de vrais fantômes ou de pâles, blêmes, blanchâtres, palottes, imitations, des petits escrocs par exemple qui veulent effrayer tel ou tel châtelain, tel ou tel accédant à la propriété d'une vieille bâtisse. Vous savez, les romans pour enfants, les bandes dessinées, les films pullulent de ces ectoplasmes de commande, enfin des imitations de fantômes quoi. Mais un faux fantôme, celui de l'opéra par exemple, peut être beaucoup plus terrible à croiser que le brave spectre de nos campagnes, enfin des campagnes anglaises ou écossaises. Eric, le fantôme de l'opéra, créé par Gaston Leroux, est au programme de la nuit, de même que celui de Canterville, ou des Canterville, ça dépend de la traduction. En tout cas, c'est bien d'Oscar Wilde. Et ainsi que les apparitions terrifiques des domestiques pervers du Tour d'écrou de Henry James. Alors, voici pour la fiction. Mais tout n'est pas que fiction dans l'étude des fantômes. Bien loin de là. Nous entendrons parler de quelques fantômes snobs. Ça, c'est une enquête sur les fantômes par Micheline Sandrel. Nous sommes en 1950. Nous entendrons parler aussi d'esprits frappeurs et de tordeurs de petites cuillères. Ça, c'est dans Métronomique d'Amaury Chardot, histoire de paranormal. Mais aussi, nous entendrons parler de l'apport des fantômes dans le tourisme en Grande-Bretagne. Ça, c'est dans un opus du Monde Insolite, signé Jacques Borel et diffusé en 1972 sur France Culture. Bonsoir, Caroline Callard. Bonsoir Philippe Garbi. Alors vous êtes notre premier invité, vous êtes venu pour un essai que vous venez de publier chez Fayard, Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne. Alors plus tard dans cette nuit hantée, Clélia Zernik et Éric Zernik viendront parler fantômes et cinéma, viennent paraître en effet sous leur plume L'attrait des fantômes aux éditions Yellow Now. Je les cite, au-delà des films de fantômes du cinéma de genre, c'est toute la production cinématographique qui entretient avec les spectres une relation de profonde intimité. Être sans substance, sans densité, sans épaisseur, bref, sans matière, le fantôme n'est pas. Il apparaît. Ou mieux, il n'est qu'apparition. Or, l'art cinématographique est lui aussi pure apparition. Fin de citation. Et puis, alors enfin, avant que le coq chante et que s'évanouissent les fantômes, c'est Anthony Augusto, quatrième invité, qui viendra dans ce studio pour son livre « La France hantée », sous-titré « Les aventures d'un chasseur de fantômes », publié aux éditions de L'Opportun. Un invité qui, depuis plus de 10 ans, traque les fantômes, observe, pose des pièges, arpente les lieux les plus hantés de France. Il ne pouvait être qu'au menu de cette nuit des fantômes sur France Culture. Alors, dans votre introduction, Caroline Callard, donc à ce temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, vous avez évidemment une introduction, c'est normal. Vous faites toujours des introductions comme ça. Oui, c'est l'usage. C'est l'usage. Alors, on commence par l'introduction, toujours, qui est écrit après l'écriture, j'imagine, rédigée après l'écriture du livre, toujours aussi. Oui, c'est un petit peu un travail parallèle, mais... Voyons où vous voulez en venir. Je veux dire que ça commence par une espèce de formule très savoureuse, qui est peut-être un petit peu ambiguë, alors je la cite. « S'il est entendu que nous ne croyons plus aux fantômes aujourd'hui, ils pullulent autour de nous. » Oui. C'est une phrase étonnante, parce que, alors, s'il est entendu que, ça ne veut pas du tout dire que les fantômes n'existent pas, ça veut dire qu'on n'y croit plus, mais peut-être que l'on a tort de ne plus y croire ou de ne pas y croire. Et puis, ils pullulent autour de nous. Alors ces fantômes, il suffit de ne plus croire aux fantômes pour les croiser, ici, maintenant et partout. Disons que cette formule paradoxale est tout à fait symptomatique des discours qui sont portés toujours sur les fantômes. C'est-à-dire, il s'agit toujours de s'entendre sur le fait que, bien sûr, on n'y croit pas, parce que de tout temps, même dans l'Antiquité, hein, ça fait signe vers les pouvoirs, les puissances de l'imagination, l'illusion. C'est souvent d'ailleurs des croyances qui sont adressées aux femmes, qui sont naturellement superstitieuses dans le monde antique et encore bien plus tard. Donc, il est entendu que nous ne croyons pas aux fantômes, ça veut dire que nous sommes dans une culture où eh bien, il n'est pas socialement admis, du moins dans une société choisie, de croire aux fantômes. En revanche, ils pullulent, c'est-à-dire que la forme culturelle du fantôme pullule sous différentes formes, donc sous la forme de la fiction en particulier, mais pas seulement, les jeux, le cinéma que vous avez cité, qui est une véritable, et qu'on va traiter tout à l'heure dans la nuit, voilà, qui est une machine à voir les fantômes. Et puis même aujourd'hui, alors peut-être sous une forme un petit peu plus métabolisée, on va dire, sous une forme savante qui serait plus métaphorique, le registre de la spectralité, depuis Jacques Derrida, à pignon sur rue en philosophie, donc voilà, il pullule. Il pullule, mais donc, pour dire les choses simplement, Caroline Callard, vous n'y croyez pas, mais vous avez passé quand même quelques mois ou années de votre vie à publier, à écrire, à rédiger ce temps des fantômes. Oui, même quelques années, on peut dire. Oui, voilà, ben je suis comme Madame du Défant qui ne croit pas aux fantômes, mais qui en a très peur. Moi, je suis une historienne qui ne croit pas aux fantômes, mais qui, par son écriture, les fait exister sous une forme savante qui est encore une façon de les faire exister. Et puis, ne serait-ce que la spectralité, déjà les spectres, les apparitions, les revenants, parce que on a appelé ça la nuit des fantômes, mais il y a beaucoup, beaucoup de mots qui peuvent se cacher sous le suaire, sous le drap blanc. Oui, ça c'est peut-être une petite différence par rapport au monde dont je m'occupe, qui est plutôt donc celui de la Renaissance, des 16e et 17e siècles d'abord, ce qu'on appelle la première modernité. C'est effectivement, c'est ce foisonnement ontologique, c'est-à-dire le foisonnement des êtres. On est dans un univers, dans un monde où les espèces d'êtres sont beaucoup plus, le catalogue des êtres disponibles est beaucoup plus fourni qu'aujourd'hui, et donc les spectres en font partie, et il n'y a pas que spectres, il y a toute une nomenclature, il y a des encyclopédies qui s'écrivent au XVIe siècle, hein, comme celle de Pierre Leloyer, des encyclopédies qui recensent non seulement toutes les formes d'apparition spectrale, alors larves, lémures, succubes, incubes, ombres, etc., mais aussi, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, enfin c'est ce qui m'a aussi intéressé, c'est pour ça que je parle de spectralité au-delà du simple terme de fantôme, qui s'intéresse aux petites perceptions, aux formes les plus ténue que peut prendre une apparition et qui peut être une voix. Il y a des fantômes de voix. Ça peut être une caresse. Ça peut être l'écho. Ça peut être, et qui sont analysés à partir de la grille du spectral. Le bruit de chaîne, c'est à partir de quelle époque? C'est très ancien, ça date d'Athénodore, de la lettre de Pline à Suria. Donc on est dans un contexte, ça se passe à Athènes. Donc Pline raconte cette histoire très très très célèbre qui va être vraiment le texte fondateur de l'encyclopédie spectrale de la modernité occidentale. C'est Pline qui raconte cette fameuse histoire de maison hantée à Athènes. Donc il y a une maison réputée hantée, et le philosophe Athénodore décide de prouver sa bravoure, et donc il s'installe avec ses livres, ses tablettes plutôt, dans la maison hantée toute la nuit, et il est effectivement attiré par un bruit de chaîne. Donc c'est la première fois qu'apparaît ce registre des chaînes, qui vient sans doute signaler le fait que le fantôme est attaché au terrestre, et qu'il ne peut pas s'en aller, qu'il est en quelque sorte prisonnier de ce domaine terrestre. C'est un mort qui ne meurt pas. Voilà, c'est un qui mort n'arrive pas à mourir. Qui ne meurt pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Parce que il n'a pas reçu de sépulture digne de ce nom, de sépulture tout court. Et donc Athénodore prend note de l'indication du fantôme qui lui montre où sont ses ossements. Et le lendemain, il indique aux autorités de la ville ce lieu. On lui donne des funérailles publiques et le fantôme disparaît. C'est ça. Pour le repos éternel, il faut quand même avoir été enterré. En fait, bon, la religion est là. Toutes les religions sont présentes dans les histoires de fantômes. Religieux, en tout cas. Vous écrivez, Caroline Callard, que vous vous demandez si les fantômes ne sont pas parmi nous au titre de ruines pittoresques d'une religion perdue. Alors, c'est une des hypothèses qui est sans doute à l'origine de mon travail, qui s'inscrit dans une véritable actualité spectrale foisonnante dont témoigne cette émission. On pose toujours, l'historien pose toujours au passé les questions de son présent. Hein. Et si j'interroge les fantômes anciens, c'est bien parce que leur présence dans mon contemporain me paraissait assez forte. Et donc, je me demandais si en interrogeant ces fantômes de la Renaissance, des 16e et 17e siècles, j'allais pas faire, au fond, l'archéologie de nos croyances, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les prémices, ou en tout cas, pas vraiment les prémices, mais disons, est-ce que c'est ce lieu-là qui continue de nous hanter, ou est-ce que... Ils obéissent à une actualité qui leur est propre. J'aurais tendance à penser, à répondre évidemment que les deux sont vrais, c'est-à-dire que les fantômes sont aujourd'hui parmi nous au titre de leur prestige ancien dans notre histoire, mais aussi qu'ils obéissent toujours à une urgence qui leur est propre et qui appartient à leur présent et dans lequel ils sont encapsulés en quelque sorte. Parce qu'ils sortaient, alors au Moyen-Âge, ils sortaient du purgatoire pour réparer leurs fautes aussi. Pour demander qu'on répare leurs fautes, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient faire grand-chose. Ouais. Mais voilà. Sinon, terroriser les vivants. Donc les vivants, ils avaient. Alors justement, la fonction des âmes, si ce sont des âmes du purgatoire, n'est pas de terroriser. C'est d'ailleurs un des indices qui permet de les distinguer des esprits diaboliques. Si une âme sort du purgatoire, c'est parce que la divinité l'a chargée d'un message express. Et il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de demander... Il n'y a que deux raisons pour lesquelles on sort du purgatoire. C'est pour demander aux vivants de faire des prières pour écourter un purgatoire cuisant. Ou bien c'est pour avertir les vivants que s'ils continuent, ils vont subir le même sort peu enviable de subir les peines du purgatoire. Donc qui pouvait inventer les fantômes quand même? C'était un peu la religion, c'était un peu le clergé, c'était pas simplement une superstition comme ça qui volait autour des hommes et des femmes. C'est une forme culturelle disponible, on va dire, et c'est vrai que les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs religieux mais aussi les pouvoirs civils, ont cherché à capter son efficacité. Ensuite, la question des esprits des morts, c'est vraiment une question bien travaillée par les anthropologues et assez universellement distribuée. Et moi, comme historienne, j'ai vraiment dû jongler, ou plutôt essayer d'articuler cette espèce d'invariant anthropologique. Et puis, le moment historique où on peut capter leur présence et qui répond à une nécessité précise, contextualisable. Pour moi, c'était ce temps extrêmement compliqué pour les hommes et les femmes du XVIe et XVIIe siècle, des guerres de religion en France, ou de la Global Crisis, comme les anglo-saxons l'évoquent pour l'Angleterre du XVIIe siècle. En tout cas, un contexte européen extrêmement difficile, marqué par les pestes, les massacres religieux, l'angoisse eschatologique, la crainte du jugement. Et puis on avait la crainte des fautes, mais quand on commettait des fautes, finalement, il y avait les indulgences, c'était assez facile. On rachetait nos fautes, enfin, si tant est que... Alors, assez facile, bon. On avait de l'argent. Bah oui, mais c'était pas... Bah. Vous parlez comme un parpaillot, hein. Peut-être. Philippe Garbi. Bah oui, c'est quand même la religion protestante qui, pas éradiqué, c'est pas rien dire, mais enfin, en tout cas, s'est débarrassé de l'idée de fantôme. Tout à fait. Tenté, et avec l'insuccès que l'on sait, puisque quand même en Angleterre, en Écosse, c'est là où il y a plus de fantômes, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Oui, ça. l'Angleterre récupère ses fantômes aussi vite qu'elle avait cherché à les expulser. Preuve qu'ils obéissent à une nécessité sociale qui, à mon avis, est tout autre que celle qui n'est pas seulement celle des églises. Si j'ai bien compris. Les vivants ont du mal avec l'idée que les morts sont morts pour toujours. Peut se passer d'un cube et de six cubes quand même. Et puis les indulgences, encore une fois, oui, alors un cube et six cubes, bon, on peut s'en passer, j'en sais rien après tout. Mais sur les indulgences, j'y reviens, c'était à la fois une bonne et une mauvaise idée. Une bonne idée parce que bon, on donne une solution, un problème, hein, le problème c'est faire son salut, et une solution, les indulgences, vous avez raison. Un problème aussi, mais un problème insuffisant parce que quand est-ce qu'on peut être assuré d'avoir assez d'indulgence pour avoir vraiment zéro temps de purgatoire ou le moins de temps de purgatoire possible. Cette religion comptable, au fond, est elle-même devenue facteur d'angoissement pour les populations parce que, on ne sait pas jusqu'où on doit s'arrêter dans les fondations de messe, dans les achats d'indulgence, etc., etc. Donc cette espèce de comptabilité de l'au-delà. Une gourmandise aussi du clergé quand même. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que les protestants vont immédiatement voir le problème. C'est que ils le repèrent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les protestants. Erasme aussi, des catholiques aussi s'en inquiètent. Et puis le père Molnoir en plein XVIIe siècle dit aussi au clergé, bon, il faudrait quand même arrêter de menacer sans cesse pour un oui, pour un non, les habitants de la hantise de quelques parents s'ils ne donnent pas des messes. Donc c'est sûr, c'est un instrument pastoral, une pastorale de la peur très efficace, très efficace. Ça contribue, ça nourrit, on va dire, ça nourrit cette croyance cette présence des fantômes. Mais je pense qu'ils répondent à une énergie sociale qui n'est pas que celle qui est imposé et manipulé par les pouvoirs. En tout cas, vous, Caroline Callard, dans Le Temps des fantômes, donc publié chez Fayard, Spectralité de l'âge moderne, c'est le quoi, 16e, 17e siècle? C'est ce que j'ai appelé une longue renaissance, c'est-à-dire qu'elle commence vers le 16e, la fin du 15e siècle, début du 16e siècle, jusqu'au deuxième tiers du 17e siècle. Et encore, parce que j'ai repéré une sorte de moment spectral, ce que j'appelais un moment spectral, qui est marqué par une promotion savante du fantôme, c'est-à-dire qu'il y a une science des spectres qui s'élabore. C'est-à-dire, ça consiste en quoi la science des spectres? Un certain nombre de savants, d'humanistes, de juristes, le plus célèbre d'entre eux est Pierre Leloyer, qui est juriste à Angers. Et c'est lui qui véritablement entreprend de fonder ce qu'il appelle une science des spectres, c'est-à-dire il veut fonder une science des spectres aussi assurée que celle des mathématiques, il le dit. Donc comment est-ce qu'on fonde une science au XVIe siècle? On s'efforce de la faire répondre aux réquisites aristotéliciens. Il faut qu'on ait une collection d'apparitions classées, triées, passées au crible de l'épreuve, d'une épreuve qui va charger de dire est-ce que ça c'est un vrai fantôme, est-ce que ça c'est une illusion, enfin est-ce que c'est un vrai spectre ou est-ce que c'est une illusion, donc ce qu'il appelle un fantôme. Et donc il y a vraiment une promotion épistémologique de l'objet fantôme qui va avoir des effets, qui va armer en quelque sorte le fantôme, en faire un objet social partagé déjà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... On le repérait, c'est sûr que les sociétés rurales d'Europe chrétienne, on le voit affleurer dans les archives, difficilement, mais on le voit. Eh bien, cette croyance diffuse et qui a peu laissé d'archives, elle va devenir proférable dans des cercles beaucoup plus savants, beaucoup plus distingués, beaucoup plus décoratifs. C'est le travail de quelqu'un comme Pierre Leloyer. Donc, il y a un moment spectral, une promotion savante qui va infuser aussi dans d'autres domaines de savoir, puisque une des choses qui avait motivé aussi ma recherche, c'était la découverte sorte de tout un droit spectral de... Ça remonte aux Romains, ça, le loyer du fantôme, non? La maison hantée Alors justement, ce qui est étonnant, c'est que... Je passe de Pierre le loyer au loyer, vous avez voilà, compris. Voilà, mais le loyer faisait ce type de jeu de mots lui aussi, les humanistes aimaient bien. Et donc, justement, dans l'Antiquité... Le digeste romain. Alors, le digeste romain, il ne parle pas, finalement... Enfin, il parle des fantômes, mais pas pour leur donner droit de cité dans le prétoire. C'est tout un travail des juristes de la Renaissance de partir du digeste et des gloses du digeste pour essayer de lui faire dire ce qu'il ne disait pas, à savoir qu'on peut quitter une maison que l'on loue avant le terme du bail parce qu'il est hanté. Parce que cette maison est hantée. Mais ça, c'était pas dans le droit romain. C'était un gros problème pour les juristes. La loi d'Alphénus. Voilà, cette lex de Alphénus, c'est vraiment une loi qui devait aider les locataires à quitter une maison, mais pour des raisons que nous jugerions, nous, très rationnelles, par exemple, l'arrivée des ennemis, la crue d'une rivière, une épizootie, des choses comme ça. Mais là, on pouvait quitter et ne pas payer son loyer si on disait « cette maison est hantée ». Alors, la question se pose. Déjà, elle se pose aux juristes du XVIe siècle. Ils y répondent de manière assez contrastée, c'est-à-dire qu'on se rend compte que il y a des traditions juridiques le Parlement de Paris est assez sceptique. Celui de Tours a autorisé le locataire à déguerpir. Ceux de Bordeaux se font, le Parlement de Bordeaux se fait presque une spécialité de considérer le cas des maisons hantées. Donc on a une petite géographie ici juridique qui s'élabore, mais qui est liée à des contextes là aussi très différents dans le cadre des guerres de religion. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est vraiment une capitale catholique en pays l'Aquitaine protestante. Et dans cette région-là, le fantôme devient un marqueur de catholicité. Ce qui n'était pas du tout évident. Parce qu'après tout, la maison hantée, elle peut être hantée par un esprit frappeur, diabolique. Et à ce moment-là, les protestants n'y trouvent rien à redire. Et pourtant, on observe dans les plaidoyers, plutôt dans l'arrêt bordelais que j'ai étudié, que le fait de recevoir les cas de maisons hantées et de considérer la possibilité que les maisons soient hantées devient un marqueur de catholicité, à tel point que certains catholiques se proposent, pour convertir des protestants à Bordeaux, de les faire coucher dans la chambre que l'on sait hantée, hein, d'une maison. Donc on voit, la maison devient une sorte de machine à convertir le protestant. Alors vous, Caroline Callard, donc vous nous avez parlé de Pierre le Loyer, mais comment faisait-il, était-il avant l'heure comme Antonio Augusto, que l'on recevra plus tard dans La Nuit, qui a écrit « La France hantée, les aventures d'un chasseur de fantômes », était-il Pierre le Loyer, non pas un chasseur de fantômes, mais un homme qui était là pour faire finalement, pour avoir la liste de tous les fantômes et de tous les lieux hantés de France? Et comment s'y prenait-il? Il y avait dans chaque, alors on va pas dire dans chaque département, qui n'existait pas, mais dans chaque région, des d'honorables correspondants qui allaient de château en château, parce que le fantôme est dans un château, bien sûr, il ne va pas dans une masure. Pendant les guerres de religion, le château est en ville, il est dans des maisons, et ça c'est vraiment aussi une nouveauté, c'est-à-dire qu'avant il était plus dans l'Antiquité, dans les auteurs classiques. Chez Plaute, où est-il? Ils sont plutôt dans les écarts, dans les lieux. Alors bon, il y a quelques maisons hantées que l'on retrouve, mais sinon, c'est plutôt les déserts, les lieux à l'écart des hommes. Et c'est encore plus vrai au Moyen-Âge, où on suppose que les lieux hantés, les fantômes qui assaillent les premiers saints chrétiens, c'est vraiment dans les déserts. Donc, ils sont moins casaniers qu'ils ne deviendront. Ils sont pas casaniers du tout, oui. Alors que ce qui change à la Renaissance, et je pense que c'est vraiment lié à l'atmosphère des guerres de religion, à l'angoisse qui commence à, enfin, qui se répand et qui pousse les individus à croire que le danger, il est dans la maison, parce que la maison n'est plus ce havre, cet asile domestique qu'il devrait être. Mais au contraire, eh bien, avec les guerres de religion qui sont aussi contemporaines de la peste, hein, la peste aussi, c'est un facteur très important parce que c'est comme le fantôme, c'est une menace invisible d'origine divine, puisqu'on pensait évidemment que la maladie était envoyée par un dieu de colère. Donc c'est vraiment lié à tout ce contexte d'angoissement et qui accule les individus et qui les incite à considérer que la maison n'est plus un havre. Surtout que le fantôme traverse les murailles. Alors il est passe muraille. Il n'est jamais tranquille. Oui. Mais enfin, il reste souvent dans sa maison, mais il est passe muraille. Oui, c'est-à-dire qu'il peut surgir à tout instant. Mais il vient rarement de l'extérieur, en fait. C'est quelqu'un qui est souvent mort là et qui revient. Donc, et puis dans le contexte des massacres, où on va massacrer des massacres de religion, où on se massacre entre voisins, où on va chercher... Et sans s'être confessé. Ah ben, donc, comme on va chercher le voisin protestant, c'est pas grave, il l'aurait pas fait. Mais en tout cas, on tire les individus de leur maison. Et... Alors quelques petits exemples comme ça, bien bruyants, bien croustillants. Caroline Callard, quand même, recensé par Pierre Leloyer. Alors un de ceux que j'aime le mieux parce que il est touchant, c'est celui du massacre, du fantôme d'Anne Dumoulin. Anne Dumoulin est la femme du bailli de Coulommiers qui habite à Paris, rue des Augustins. Et en réalité, donc un soir, donc cette femme a deux enfants. Elle est enceinte du troisième. Elle a une nourrice dans sa maison. Et elle est seule à ce moment-là parce que le bailli est à Coulommiers. Et le soir, elle est toute la maisonnée, hein, toute la maisonnée est sauvagement assassinée. Les enfants sont assassinés. Le matin, le lieutenant de police découvre un massacre effarant. Et donc le mari rentre il est prévenu, il rentre catastrophé. Et le procès s'ouvre quelques semaines plus tard, hein, dans une atmosphère, dans un Paris survolté. On est en 1572, vraiment au début de l'année 1572, dans un climat d'effervescence, panique. Et on arrête un suspect, le cousin. Et à ce moment-là se déroule un procès qui est suivi par, semble-t-il, tout Paris. Étienne Pasquier, qui est l'avocat de l'incriminé, évoque un millier de personnes et une atmosphère survoltée. Et l'avocat du mari de la victime n'a aucune preuve contre le cousin. Et donc, il va produire devant le tribunal le témoignage de la femme Anne Dumoulin qui serait apparue à son mari et qui aurait désigné son cousin. Et donc, c'est Barnabé Brisson qui fait ce magnifique discours. Et donc, Étienne Pasquier, qui raconte l'histoire, dit qu'il a devant lui une foule de Parisiens convaincus qui se représentent cette pauvre morte apparaissant à son mari. Et Étienne Pasquier, qui est un avocat, un politique extrêmement habile, va démonter une à une les allégations de la partie adverse. Mais c'est un très beau... c'est un cas qui va devenir célèbre dans la jurisprudence. Pas tellement... Alors, à la fin, c'est pas le fantôme qui gagne, hein, puisque le cousin est blanchi. mais parce que visiblement le sac à procès était vide, effectivement il n'y avait vraiment aucune preuve. En revanche, le cas fait jurisprudence parce que on va se servir du jugement pour dire, quand il y a une mort collective comme ça, parce que la nourrice est morte, la femme est morte et les petits-enfants, et une des questions qui se posait, c'était est-ce que le mari, est-ce que le veuf héritait héritait des biens de sa femme. Et pour savoir ça, il fallait déterminer qui était mort le premier, la femme ou les enfants. Hein, parce que les lois de succession, si ça passait pas, si les enfants étaient morts les derniers, eh bien, c'était le veuf qui héritait. Parce que sa femme aurait eu le temps de transmettre ses biens à ses enfants, qui ensuite le transmettaient à son veuf. En revanche, si ce sont les enfants qui sont morts les premiers, eh bien, à ce moment-là, les biens de la femme revenaient à la famille de son épouse. Et donc, dans le cas du Moulin fait jurisprudence pour dire qu'en cas de mort multiple, on regarde à l'âge et à la qualité du décès. Et de cette façon-là, on peut voir que finalement, le fantôme d'Anne Dumoulin va effectivement avoir une action. Servir. Va continuer à avoir une action, hein, sous la forme spectrale que prend le droit dans nos sociétés, celle de la jurisprudence. Mais elle continue d'agir pendant longtemps, tout au long de l'Ancien Régime. Oui, parce que Caroline Callard, votre titre, c'est le temps des fantômes, mais quelle est la durée de vie d'un fantôme? Parce que vous avez étudié des fantômes qui ont pu naître, si j'ose dire, au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, mais les fantômes ont survécu, tous ne rejoignent pas leur sépulture, et il y en a qui hantent depuis des siècles et des siècles sans doute. Alors oui, il y a des fantômes de longue durée, de très longue durée, c'est pour ça que c'est un objet magique pour l'historien. Dans les bandes dessinées, on les voit avec des grandes barbes blanches, c'est tellement longtemps qu'ils hantent un château. Alors il y a deux choses, il y a la permanence du fantôme comme figure effectivement rémanente, hein, dans nos sociétés qui effectivement. Oui, mais c'est des nouvelles générations de fantômes. Voilà. Ça. Mais et puis il y a aussi il y a deux. Enfin, j'entends dans votre question deux questions, c'est-à-dire est-ce que combien de temps un fantôme précis dans telle maison etc. continue-t-il à hanter? Le repos éternel, c'est une chose, mais l'absence de repos éternel, c'est combien d'années? Eh bien, en fait, le fantôme, il continue à apparaître tant qu'on ne lui a pas donné raison. C'est-à-dire que ça, c'est une distinction que j'ai prise à la sociologue Avery Gordon, que j'aime beaucoup, qui est l'auteur d'un livre magnifique qui s'appelle Ghostly Matters, et qui dit le fantôme, c'est pas le trauma. Parfois, on confond les deux choses. Un trauma, c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, et qui se résout jamais. Hein, les effets du trauma sont sans fin. Or, le fantôme, il est porteur d'un message. Il est porteur d'un « something is to be done », comme elle dit. Il a toujours quelque chose à demander aux vivants. Et tant que les vivants n'ont pas effectué la tâche que les fantômes leur attribuaient, eh bien, ils continuaient à hanter. Mais pour les historiens, là encore, c'est magnifique parce que ça permet de déplacer le questionnaire de la croyance vers le questionnaire au fond pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce que le fantôme fait faire. C'est-à-dire, au lieu de me demander, moi, comme historienne, est-ce que les sociétés anciennes croyaient ou non aux fantômes. Et là, c'est une question un peu ouverte parce que on trouve des sceptiques et puis on trouve des croyants, bref. Et puis l'historien a du mal à sonder les cœurs, hein, comme on le sait. En revanche, la question à laquelle on peut répondre, c'est qu'est-ce que le fantôme permet de faire? Et là, dans le droit, on le voit autoriser toute une réflexion sur le droit des contrats, hein, quelles sont les limites, hein, que l'on doit donner au devoir du locataire, hein, ou Alors, on va pas parler, Caroline Callard, des fantômes du 19e siècle, du 20e siècle, mais on va écouter un homme du 20e siècle qui parlait des fantômes. C'était dans un film, il était interviewé. Alors, est-ce une interview ou un rôle? Enfin, écoutez-le. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art d'une fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Avez-vous reconnu l'homme du XXe siècle, Caroline Callard? Oui, vous bien sûr. Vous l'aviez cité tout à l'heure. C'est Jacques Derrida, il me semble que c'est Ghost Dance. Voilà, c'est dans un film de Ken McMullen. Voilà. McMullen, c'est peut-être mais un peu c'est, alors évidemment, 1983. À la fois, Derrida a été une grande inspiration pour moi. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé à travailler là-dessus le jour où il est mort. Enfin, peut-être pas le jour, mais dans le sillage de sa mort, parce que j'avais un petit peu travaillé, j'avais fait des séances avec les étudiants sur Derrida, historien. Et donc, c'est une inspiration. Et en même temps, je m'en démarque un petit peu parce que moi j'ai pas un usage métaphorique de la spectralité, mais pour moi les fantômes dont je m'occupe sont des fantômes bien tangibles, ce sont de vrais fantômes. Et en écoutant réécoutant Derrida ce passage, ce qui me frappait effectivement, c'est que il est dans un film, il parle de fantômes et il ne parle pas de son image. Pour lui, le fantôme, il parle surtout de sa voix. Et c'est vraiment frappant. Ce n'est pas un hasard si Derrida parle de la voix, hein, parce que c'est presque son premier livre. Hein, la question de la voix et de la spectralité, le fait de la ventriloquie. Mais je pense qu'il aurait adoré Pierre Leloyer parce qu'il y a justement tout un paragraphe sur le spectre comme voix, hein. Et ça m'apparaît que maintenant. Je vous remercie de m'avoir fait réécouter ce passage parce que il me semble qu'effectivement il y a là quelque chose, une sorte de hiatus entre la voix et l'image qui est très intéressante dans ce passage de Derrida. Voilà, vous avez commencé à travailler sur ce livre le jour de la mort de Derrida. Tiens, donc il y a quand même. Oui, c'est, ouais. Comme quoi c'est quand même une source d'inspiration. On ne peut pas y croire. Hein. Caroline Callard, donc le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne. Chez Fayard, alors ça nous parle des fantômes, des spectres, des revenants, des apparitions, de tout ce qui est ectoplasmique, mais c'est un travail d'historienne, on l'a compris. Donc on vous retrouve en toute fin de nuit, quand le coq chantera, ou peut-être avant, on ne sait pas, pour cette nuit des fantômes, qui donc va se poursuivre avec une petite enquête sur les fantômes, très courte, mais vous allez voir, puis la diffusion d'une adaptation du roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, puis métronomique des esprits frappeurs à Uri Geller, histoire du paranormal, par Amaury Chardot. Ensuite, nous recevrons Clélia Zernik et Éric Zernik pour le livre qu'ils viennent de publier, L'attrait des fantômes, chez Yellow Now. Quelques films au programme, bien entendu, dans cet entretien et dans cet essai. Et on poursuivra par Fantômes et tourisme, Le monde insolite, une émission de 1972, puis par Le tour d'écrou, Henry James, une adaptation réalisée par Étienne Vallès. On recevra Anthony Augusto, qui lui est un chasseur de fantômes. Il a publié La France hantée, édition de L'Opportun. Et puis ensuite, Le fantôme de Canterville, d'Oscar Wilde. Alors, on cache les chaînes, on casse tout ça, etc. Et on écoute attentivement cette nuit des fantômes. Merci infiniment, Philippe Garbi.